Sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Gaël sur RDB et votre émission c'est Zik Actu et la musique qui vous trottait tout au fond ce soir, ce sera un peu plein de choses en fait. On est vaguement dans l'actualité, j'avoue que j'ai un peu de retard sur certains artistes, certains albums qui sont sortis et que j'ai envie de vous passer, et puis j'ai pas trouvé l'occasion, ça s'insérait mal dans les playlists des mois précédents, donc là ça va être un peu pêle-mêle, ça sera pas forcément des albums qui seront sortis dans le mois, ça peut être sorti dans l'année, on reste quand même dans l'actualité essentiellement, et j'espère que vous m'en voudrez pas, mais ces albums j'avais vraiment envie de les passer, donc ça serait dommage de passer à côté. On commence tout de suite avec le grand retour d'un monsieur qui s'appelle Jeff Lynne. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais à mon avis cette musique là vous dit quelque chose. On écoute tout de suite Electric Light Orchestra. C'est Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. Et non, ce n'est pas les Beatles, comme j'ai pu le croire pendant très longtemps. Et puis évidemment, cette musique, vous la connaissez, parce que c'était dans une pub pour je ne sais pas quoi. De toute façon, je ne ferai pas de pub. Je ne suis pas payé pour ça. Et donc, c'était Mr. Blue Sky. C'était en 1977, en Angleterre. Le monde se remettait tout doucement de l'absence des Beatles depuis maintenant 7 ans. Et du coup, heureusement qu'il y avait des groupes comme Electric Light Orchestra pour pallier au manque laissé par les Beatles. Maintenant on va revenir en 2015 et ça c'est vraiment de l'actualité, ça vient tout juste de sortir, ça s'appelle Alone in the Universe, c'est Electric Light Orchestra toujours, sauf qu'il n'y a plus vraiment tout le groupe d'origine, il n'y a plus que Jeff Lynne qui est au chant et aux guitares essentiellement mais pas que, et ça s'appelle When I Was a Boy, c'est une bonne balade anglaise comme les Anglais savent les faire, on écoute tout de suite Electric Light Orchestra version 2015. When I was a boy, I had a dream all about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night and drift away. Don't wanna work on the milk or the bread, just wanna play my guitar instead. When I was a boy, I had a dream. Radio waves kept me calm. C'était When I Was a Boy de Electric Light Orchestra, donc un extrait de leur 14e album. Et oui, ça rigole pas. Et donc Electric Light Orchestra renommé pour l'occasion Jeff Lynne's ELO. ELO étant l'acronyme de Electric Light Orchestra. Donc ça s'appelle Alone in the Universe et c'est vraiment teinté de cette belle période en Angleterre, les années 60-70, et on ressent bien cette influence dans cet album. C'est un chouette album. On continue avec un autre artiste qui s'appelle Eugene McGuinness. On écoute I Drink Your Milkshake et je vous resitue tout ça après. Eugene McGuinness, donc qui sort un album qui s'appelle Chroma. C'est sorti en juillet 2014, oui. Donc je vous ai menti. Cette émission parlera aussi d'albums qui sont sortis en 2014. Voilà. Je vous réexplique le concept de l'émission. C'est que tout un tas d'albums que j'avais pas pu passer parce que c'était pas dans l'actualité vraiment proche, et je les ai mis dans cette émission avec donc des albums un peu plus anciens, mais dont je voulais parler absolument. Et celui-ci, je voulais en parler absolument parce que tout simplement, c'est vraiment une pop indé hyper fraîche, hyper, hyper agréable à l'écoute, un peu groovy. C'est très, très agréable. Ça s'appelle donc Eugene McGuinness. Et donc, avec son nom, je vous laisse deviner ses origines. McGuinness. Il y a plusieurs indices. Il y a Mac et il y a Guinness. Vous avez quelques secondes pour répondre dans votre voiture ou chez vous si vous écoutez RDB à la maison. McGuinness, donc, il est irlandais, tout à fait, bonne réponse. Et seulement, d'origine irlandaise, il vit à Londres, donc un londonien qui a une trentaine d'années. Et qui sort son 4e album, Chroma, qui est excellent. On écoute maintenant Generationals avec le titre Black Lemon. Tracks I heard my best friend tell me you can never go back. Vous écoutez actuellement Generationals avec le titre Black Lemon, sorti sur leur quatrième album qui s'appelle Alix. On est un peu dans le même genre de son que Eugène McGuinness, c'est frais, c'est de la pop indé. Ici on a plus des accents New Waves qui sont plutôt chouettes. Et donc c'est un duo de Louisiane, des États-Unis. Generationals, donc un nom à retenir. On continue avec un groupe français cette fois-ci, ça s'appelle Uplose, j'avais adoré leur premier album. Voilà le deuxième qui s'appelle Acids et le titre c'est Riding. Before I felt this love in my soul till the end of the day. Let me show you the game. If walls could listen, if doors could whisper through the times, run with me, catch my fire, make me swing now. Before I feel this love rule my soul through the echoes of days, let me show you again. Love, come with me, there's a whole world to see. Let the times walk away, catch my fire, make me swing now. Avec le titre Riding, donc extrait de leur album Acids qui est sorti en 2015 et qui regroupe en fait les trois EP Acids volume 1, volume 2 et volume 3 qui sont sortis globalement l'année précédente. Uplose, c'est vraiment un groupe que j'adore, c'est un groupe franco-belge en fait. Les instrumentistes sont belges et le chanteur est parisien, et donc c'est une belle alliance. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose entre tout ça, il y a quelque chose de très cohérent et ils se sont bien trouvés en tous les cas. Et donc cet album, il est beaucoup plus cohérent que le premier, qui s'appelait Where It All Begins, que vraiment je vous recommande chaudement, parce qu'il est hyper varié, il se passe plein de choses dans cet album, ils essayent plein de pistes, et la plupart sont très concluantes. Et finalement, ils ont choisi cette piste-là, un peu plus électronique, un peu plus sombre, un peu plus organique, un peu plus électronique, oui, pour faire leur deuxième album Acids, que donc vous venez d'écouter un extrait. On continue avec un groupe qui s'appelle Deer Hunter et ce titre est excellent. Ça s'appelle Snake Skin et c'est sorti sur leur album Fading Frontier. On en parle juste après. Actuellement Snake Skin, un titre extrait de l'album Fading Frontier du groupe Deer Hunter. Deer Hunter qui est un groupe qui existe depuis 2001 et qui sort son sixième album. Un groupe de rock expérimental mais qui part un peu dans tous les sens, donc c'est pas facile à qualifier. L'album est sorti en octobre 2015, donc là pour le coup je suis pas trop à la bourre. Et l'album est pas forcément toujours excellent, c'est un peu inégal, mais ce titre est très bon en tous les cas à mon goût. On retourne en Angleterre, parce que là on était où ? On était aux États-Unis tout à fait avec Deer Hunter. Donc on retourne en Angleterre et tout doucement on va se mouvoir vers d'autres styles de musique. Et tout de suite ça serait même plutôt de la soul avec un titre qui s'appelle Green Garden, qui est un titre magnifique de Laura Mvula. take me outside, sit in the green garden, nobody out there, but it's okay now, bathe in the sunlight, don't mind if rain falls, take me outside, sit in the green garden. Oh, wow. Fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again, putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Je ne sais pas exactement comment on prononce, c'est un nom qui vient des Caraïbes. Et donc, comme cette chanteuse, vous l'aurez compris, qui sort son premier album en 2013. Donc j'ai découvert un peu sur le tard, je viens juste de le découvrir grâce à mon frère Pierrick, que je salue, à qui on doit une partie de la programmation d'aujourd'hui. Et pour parler un peu de fratrie d'ailleurs, Laura est accompagnée de son frère au violoncelle et de sa sœur au violon sur scène. Donc ils sont trois, ils sont tous les trois sur la même scène. Et voilà, je trouve ça chouette cette histoire de famille. Et c'est donc ils produisent une musique, elle produit essentiellement une musique très savante, très bien arrangée, c'est vraiment très bien fait, très bien composé. C'est un album qui est excellent, vraiment je vous le conseille. Ça s'appelle Sing to the Moon de Laura Mvula, M-V-U-L-A, je ne sais pas comment vous le prononcerez vous, mais Moi, ça sera comme ça en tout cas. On reste en Angleterre avec le groupe Daughter que j'ai connu grâce à une reprise de Get Lucky des Daft Punk que vous connaissez forcément. Alors la reprise, je sais pas, mais le titre des Daft Punk, j'en suis sûr. Et donc Daughter sort un deuxième album qui s'appelle Doing the Right Thing et on écoute le titre éponyme qui porte donc le même nom. C'était la traduction. Doing the Right Thing, Daughter. C'était Daughter avec Doing the Right Thing, un titre qui est certes un peu long mais complètement planant, hyper, hyper chouette. Je vous conseille d'écouter la reprise de Get Lucky, c'était un peu dans la même ambiance. C'est vraiment un trio magnifique Daughter. L'album est excellent. Il s'appelle Doing the Right Thing aussi. Donc c'est un trio donc Daughter avec Elena Tonra au chant qui est anglaise. On a un Suisse avec un Suisse qui s'appelle Igor Efeli et un Français Rémi Aguilera. Bon, ça commence un peu comme une blague mais finalement ça finit très bien cette histoire-là parce que l'album est excellent et vraiment hein, c'est un très chouette groupe, très planant, c'est très beau Daughter. On continue avec un artiste qui me tient énormément à cœur, c'est Nosfell. Nosfell, je l'ai découvert il y a 10 ans avec un album qui s'appelle Pomai Klokochazia Balek. On reviendra un peu dans les détails juste après, parce que je vous le ferai écouter quand même. Je vous ferai écouter un titre de cet album. Mais au niveau actualité, il vient de signer la musique du dernier spectacle de... Philippe Découfflé, c'est un chorégraphe, donc c'est un spectacle essentiellement de danse, mais avec un côté, cette fois, comédie musicale. C'est un chorégraphe qu'on a connu, notamment pour des chorégraphies au Crazy Horse ou pour les Jeux Olympiques, l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, ou notamment pour des spectacles du Cirque du Soleil. Donc un grand nom de la chorégraphie en France, et pas seulement, enfin avec un rayonnement international, et qui confie donc sa musique à Nosfell et à Pierre Le Bourgeois. Pierre Le Bourgeois, c'est un violoncelliste qui a toujours accompagné Nosfell sur scène et aussi sur les albums et on va écouter eux ce qu'ils font précisément de façon indépendante, mais là pour ce spectacle, pour le spectacle Contact, ils ont signé une bande son qui est assez incroyable. Alors c'est une bande son de spectacle, donc du coup on a envie de voir le spectacle qui va avec forcément, mais de cette bande son j'ai extrait un titre qui m'a plu particulièrement, qui a plus un côté single, et ça s'appelle Go By, et donc c'est Nosfell. It's like a cri du cœur to me. Leave me alone and let me be. I pass, go by. You made it shine, you shook my world. My hands are tied, my heart is furled. I pass, go by. it's easier to play along. Cause we are both prone to lose control. Let's pass this time. C'était Go By, un titre de Nosfell, un très beau titre extrait donc de la bande originale du spectacle Contact. C'est vraiment un artiste qui me tient à cœur parce que je l'ai vu au tout début de sa carrière, donc il y a une dizaine d'années, et c'était incroyable, et c'est vraiment incroyable Nosfell sur scène. À l'époque, ils étaient que deux, donc Pierre Le Bourgeois et lui, et c'était complètement envoûtant. Enfin, il avait envoûté toutes les scènes sur lesquelles il était passé pendant un moment. Il faisait les premières parties de Trio, il a même fait les premières parties des Red Hot Chili Peppers, ça avait rien à voir, mais en fait, souvent les gens qui sortaient avaient presque préféré la première partie que l'artiste qui suivait. C'est vraiment un artiste avec un charisme incroyable, je vous conseille de le voir sur scène. Et donc il a sorti 4 albums, 2 musiques de spectacle, 2 musiques de ce chorégraphe Philippe Découfflé, et un espèce de livre-album un peu conceptuel avec un illustrateur qui est assez difficile d'accès, mais où en tous les cas on perçoit bien son univers, parce que c'est un artiste qui a créé sa langue, qui a inventé son univers, dont il a créé aussi un personnage qui s'appelle Labiala Fela Dajawid Fel, ce qui signifie celui qui marche et qui guérit. Et donc tout, il y a une espèce de mythologie autour de cet artiste avec une langue inconnue qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est hypnotisant. Et il y a 10 ans, il sortait un album, donc Pomay Klokochazia Balek, on dirait presque que je parle sa langue, avec un titre qui s'appelle Guzman Damaz, et qui m'avait vraiment marqué. Ce titre, cet album entier est hyper épuré, hyper... C'est l'apogée de Nosfell en fait, et malheureusement c'était son début, donc après c'est compliqué de passer derrière ça. On écoute Guzman Damaz sur la version rééditée de cet album. D'ailleurs, bizarrement, c'est l'album qui sort, l'album ressort 10 ans après, comme si c'était le début, comme le début, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le début c'est l'apogée de cet artiste, malheureusement. En tous les cas, cet album est un chef d'œuvre. On écoute Guzman Damaz de Nosfell. Pau, bet gru gu gu kei li, da gru pa sli, do da gru ge ge ke siu, da gru gu ge ke stu de du. Da rasta black, unveiled the path end. Sustained art fate with nonsensical sentences. At the surface of the river glance, he said, whistle on the taboos. Of a mystified ethic chancellor dancing around the working loom, he said, I wish that you could have a rewatch on my mind. Yeah, I wish that you could have a glow sometimes. Within those exultants above the river glance, and my prick is what you feel. Torn tasks, machines, all tainted properties. The looming chancellor swings among the manga women leaves. This taste for sweet noise delivers the disease. Men in those lands of wasted words, we pray for a silent wind and sing. I wish that you could have a rewatch on my mind. I wish that you could have a glow sometimes. Within those days, I glimpse above the river glance, and my prick is what you feel. Sometimes within those days I glimpse above the river glance, and my prick is what you'll feel. I wish that you could have a rip what's on my mind. I wish that you could have a glow sometimes. Within those days I glimpse above the river glance, and my prick is what you'll feel. I wish that you could have a rip what's on my mind. is what to feel. I wish that you could have a ribbon on my mind. And I wish that you could have a glow sometimes. Within those days I'll jump above the river clams. And my freak is what to feel. C'est Nosfell avec le titre Guzman Damas. Ce titre est excellent, mais je vous somme, je vous oblige, il faut absolument écouter ce premier album de Nosfell qui s'appelle donc Pomaiklo Kochazia Balek. Bon courage pour le retrouver, tapez Nosfell, ça ira plus vite. Et qui ressort dans une nouvelle édition remasterisée, donc le son doit être un peu meilleur, peut-être. Et surtout, ils ont rajouté le live au Trianon, donc vous avez en fait deux albums pour le prix d'un. Et on entend bien du coup sur le live le côté hypnotisant de cet artiste. Et voilà, je trouve que c'est un artiste qui a aucune limite, autant vocalement, tout est possible, et qu'en termes de composition aussi, il peut aller un peu partout, et toujours en tous les cas pour cet album, dans un épurement vraiment touchant, à mon sens, avec ce violoncelle de Pierre Le Bourgeois, avec un son envoûtant, enfin vraiment un duo incroyable. On passe à un autre duo qui a fait aussi des belles heures de la New Wave et de l'électro française, c'était le duo R, et là on a un membre de ce duo donc, qui s'appelle Nicolas Godin, qui sort un album qui s'appelle Contrepoint. Et on écoute un hommage au jazz, extrait donc de cet album. Le titre s'appelle Club Night, Nicolas Godin. Nicolas Godin, donc, qui sort un album solo après je ne sais plus combien d'albums avec R, en duo avec Jean-Benoît Dunkel. Voilà, le groupe R, je suis sûr que vous connaissez au moins un de leurs titres. Je ne sais pas si c'est Sexy Boy ou Soul Light is Her Football ou ce genre de titre. Enfin, je ne sais pas, mais je suis sûr que vous connaissez R. On continue donc après Nicolas Godin et donc ce jazz un peu retravaillé avec un côté un peu, il y a toujours un peu un petit délire musicologique derrière ça. Il y a le fantôme de Jean-Sébastien Bach aussi derrière cet album, et avec le titre Contrepoint donc qui évoque Bach. Mais voilà, c'est toujours assez agréable et ça fait du bien d'avoir un peu de musique instrumentale à écouter à la maison. Ça détend. On passe à un groupe que j'ai longtemps hésité à vous passer parce que je ne sais plus exactement quoi en penser. Il y a des titres qui sont très bons, d'autres moins. En tous les cas, ils sortent leur album après un EP qui a été hyper remarqué parce que tous les titres bons étaient dans l'EP. Là, ils sont un peu dilués dans un album qui s'appelle « Ici le jour a tout enseveli ». Il s'agit de Feu Chatterton. Et on va écouter un titre qui s'appelle « Côte Concorde » qui, pour moi, est un titre réussi. Ça n'engage que moi. Hein. Mais en tous les cas, il y a toujours un côté très, très maniéré chez ce chanteur qui peut plaire ou déplaire. Il faut s'y faire. Mais en tous les cas, il y a quand même un travail et puis une ambition. Et c'est un son qu'on entend nulle part ailleurs. C'est un groupe unique. Feu Chatterton avec Côte Concorde. Il pleut à Giglio, vieille commune ennuyée de la côte toscane. Triple, triple A idiot, il nous faut oublier comme tes post-roscanes. Voilà ce que titre à la capitale. Les journaux se vendent au-delà d'une écriture accidentée comme les routes paysages où le temps se dilate, où le temps se dilate. Il pleut à Giglio, vendredi 13, à bord du Côte Concorde, l'orgueilleux capitaine tarde à lancer les feux de détresse, à lancer les feux. Si près de la lagune, à tanguer le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Si près de la lagune, à tanguer le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Du ciel tombent des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le pont du Côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Étoiles dans la nuit sont mortes. Voilà ce qui arrive quand les bicoques sédentaires s'en vont voir du pays. Parade devant la rive, mais les eaux couleur d'opaline ne sont pas édentées. Ainsi, petit rocher, vous le croisez ta course. Pirate somnolent, mille fois dérangé par tes folles néons et le bruit de ta bourse. Il a mordu dedans, il a mordu dedans, n'est-ce pas le ciel qui a ourdi la chute du vaisseau par la pierre éventrée? Dans sa panse alourdie de spa machine à sous, l'eau est entrée. L'eau est entrée, l'eau est entrée, l'eau est entrée. Du ciel tombent des cordes, faut-il y draper ou s'y pendre? Sur le pont du Côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Faut-il y grimper ou s'y pendre? sont mortes. 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Si près de la lagune attendait le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Si près de la lagune attendait le navire, l'homme amusé depuis la dune. Vois le ferry mourir. C'était Feu Chatterton avec Côte Concorde. Côte Concorde. Je sais pas chez vous, mais moi, ce titre me fait quand même son effet. Il y a les poils qui s'hérissent et on a vraiment un truc assez fort à l'écoute de cette voix. Le chanteur, donc Arthur, qui vient du slam, nous sert un peu son romantisme rock. Un truc qu'on pensait complètement dépassé, mais bah, c'est encore possible. Avec Feu Chatterton, on retrouve des sensations qu'on avait peut-être avec Noir Désir, peut-être avec d'autres groupes français, mais qu'on pensait disparus. Il y a quelque chose de très maniéré, comme je vous le disais, il y a un vocabulaire un peu désuet, quelque chose de, voilà, de très maniéré, qui peut déplaire, mais en tous les cas, qui a le mérite d'exister. C'est une proposition qui a le mérite d'exister, et ça fait du bien d'écouter autre chose. Et en parlant d'écouter autre chose, on va finir avec un morceau bien rock'n'roll, un morceau de The Dead Weather, qui sort son troisième album Dodge and Burn. Dead Weather, c'est évidemment Jack White, encore une fois, dans un side project. Jack White, qu'on connaît pour les White Stripes. Voilà, si ça devrait vous parler un peu plus. Et donc, The Dead Weather, c'est un side project, donc un projet parallèle avec Jack White et la chanteuse de The Kills. On va pas rentrer trop dans les détails, on écoute tout de suite I Feel Love pour bouger la tête une dernière fois et continuer une belle journée. On écoute Dead Weather, I Feel Love. Love! C'est la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert plein de choses. C'était une émission un peu foutraque avec des titres qui n'étaient pas forcément hyper hyper récents. Allez, je suis resté dans les deux dernières, années, donc ça va. C'est en tous les cas la fin de cette émission et il est temps pour moi de tirer ma révérence et de laisser la place parce que j'ai déjà un petit peu de retard. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, écoutez bien de la musique.